J'ai des problèmes. Problème. Ouais. Je me réveille avec la gueule de bois, je suis sorti, j'avais pas teasé depuis des mois. Je suis devant le hall et c'est le 14 comme d'hab. Je suis avec l'équipe, ça fume, ça tease comme d'hab. Ma zouze me pipe et me dit qu'il y a un truc qui hurle. Je mange chez elle en transport et comme d'hab je gruge. Elle m'accueille, pas coiffée, pas maquillée. Je suis devant son hall et je crois que son daron m'a grillé. Je lui parle, mais elle est trop peu réceptive. Vu ses yeux rouges, y'a une bad news en perspective. Sa lèvre tremble, une goutte va de l'œil au sol. Tu voulais pas être père, et ben chérie, t'as pas de bol. Moi qui croyais que ça n'arrivait qu'aux autres, ouais. Je viens d'avoir mes 18 piges, en plus à la charge un môme. Elle pleure dans mes bras, mon esprit est absent. Sur ma paternité, elle vient de mettre un accent. Mon monde s'écroule, je le vis comme un coup de crasse de ma poule. Comme cadeau de majorité, c'est pas cool. J'étais pas arrivé au chapitre procréer, ouais. Cher les points, et je sors du hall seulement pour crier. C'est pas possible, ça doit être un autre mec. Elle m'a dit que j'étais seul et après coup j'ai dû l'admettre. Je vois pas un grand enfant élever un petit enfant. Je suis encore dans le concept, on paye le sang par le sang, ouais, ouais. Je dois prendre mes responsabilités. J'ai 18 piges, je suis vacciné et puis habilité. La nouvelle va faire fureur dans la famille. Comment je vais l'annoncer à ma mère et à mes amis? Le problème, c'est pas la relation entre moi et la zou. C'est des trucs, tu contrôles pas la religion et l'amour. Les couches, la nourriture à foutre dans sa bouche. Mon problème se réglera par une fausse couche. On a tous des problèmes, même s'ils ne sont pas. J'ai des problèmes, j'y pense quand je me lève, quand je déjeune, quand je sors, quand je rentre, quand je dîne, quand je dors. Je dis que j'ai des problèmes, et si tu t'en fous quand même, qu'on a tous nos problèmes, même s'ils ne sont pas les mêmes. J'ai des problèmes, j'y pense quand je me lève, quand je déjeune, quand je sors, quand je rentre, quand je dîne, quand je dors. Je dis que j'ai des problèmes, et si tu t'en fous quand même, qu'on a tous nos problèmes, même s'ils ne sont pas les mêmes. Je suis malheureux, ouais. Car je fais souffrir la femme que j'aime. J'ai des problèmes, depuis peu je suis plus le même. Je vais au taf diminué sans but pour éponger. Mon patron m'a forcé à prendre une semaine de congé. J'ai tout essayé, de l'acupuncture au marabout par désespoir. Je suis même allé voir un vaudou, les mots doux de celle que j'aime ne consolent plus mon cœur. Car la nuit, seul dans la cuisine, j'entends qu'elle pleure. J'ai d'abord dit mais c'est débile. Puis pris d'hystérie, j'ai dit mais comment ça je suis stérile. Écoutez, dans ma famille un homme se reproduit comme quatre. Et vous me dites que mes spermes à moi refusent de combattre. Mais c'est une blague, il doit y avoir une autre explication. Il n'y a pas de vie dans mon éjaculation. Pourtant 4 ans qu'on essaie, mais rien n'y fait. Je l'aime, j'ai juré de la rendre heureuse et tu le sais. On voulait les perspectives d'avenir d'un couple ordinaire, 5 ou 6 mômes comme de là où je suis originaire. Mais depuis ce jour on a troqué nos doutes contre le désespoir. Pas d'enfants sur nos routes car il est fait trop noir. Viens voir, on a une deuxième chambre magnifique, rempli de peluches et au milieu un landau vide. Et des fois de là-bas la nuit j'entends des rires d'enfants. Et après l'insomnie dit c'était sans doute le vent. Et parfois par la fenêtre je la vois assise devant le jardin d'enfants. J'ai mal car je l'aime et tu m'entends, j'ai des problèmes. Et je maudis ceux qui dans vos blocs se plaignent d'avoir mis une femme en clope. J'ai des problèmes, j'y pense quand je me lève, quand je déjeune, quand je sors, quand je rentre, quand je dîne, quand je dors. Je dis que j'ai des problèmes, et si tu t'en fous quand même, qu'on a tous nos problèmes, même s'ils ne sont pas les mêmes. J'ai des problèmes, j'y pense quand je me lève, quand je déjeune, quand je sors, quand je rentre, quand je dîne, quand je dors. Je dis que j'ai des problèmes, et si tu t'en fous quand même, qu'on a tous nos problèmes, même s'ils ne sont pas les mêmes. J'ai des problèmes, j'y pense quand je me lève, quand je déjeune, quand je sors, quand je rentre, quand je dîne, quand je dors. Je dis que j'ai des problèmes, et si tu t'en fous quand même, qu'on a tous nos problèmes, même s'ils ne sont pas les mêmes. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. S'ils ne sont pas les mêmes.